ravitailler. Quand un envoi et l'excès d'être avant de se tailler. Nos coudées, nos ceintures ont serré au dernier cran pour le loyer. Tandis que ton prétendu acolyte préférait festoyer. Même avec ses bambins qui podcast, économisant ce que le père dépense en vodka. Ou dans des cadeaux pour les mamans de ses donzelles. Tandis qu'épuisé par tout ce qui pue, puis ses mamans se morfond chez elle. Mommy thanks to all, you're a pain, your love. Mommy thanks to all. Infatigable et vaillante lorsque même la tribu nous lâche. Elle nous inculque la joie de se réunir quand tout part en morceaux. Que l'assaut du souci nous est familier dès le berceau. La seule qui s'en mêle quand on s'en mêle les pinceaux. Se noircissant les mains pour éclaircir le tableau. Dotée d'une personnalité enrobée de sensibilité. Responsabilité perçue par les froussards comme futilité. Répétant des courbettes pour la solliciter. Prenant la poudre des scampettes quand y'a plus rien à gratter. Jamais gâté quand ça se gâte et pourtant consolidé. Dénigrée par les siens ainsi que ceux qu'elle a aidé. Prête à tout dilapider pour nous guider vers nos idées. Oh oh oh. Mommy thanks to all, you're a pain, your love. Mommy thanks to all. Mommy thanks to all, you're a pain, your love. Mommy thanks to all. De notre naissance jusqu'à l'adolescence, tu fis preuve de patience. Tu m'as transmis tes connaissances malgré ma désobéissance. Cette modeste récompense témoigne de ma reconnaissance. Quelques lignes en hommage à ma mère, ainsi qu'à ma soeur Fallow. Je vous aime fort toutes les deux, fort. Oh, mom. Mommy thanks to all, you're a pain, your love. Mommy thanks to all. Mommy thanks you all.